On va réécouter le son mystère de Jonathan. Et vous pouvez nous appeler au 0782 44 57 54 pour gagner une place de concert pour ce soir, pour World Music, dont on a entendu la présentation juste maintenant. Et on réécoute. Alors, est-ce que peut-être quelqu'un autour de cette table, maybe one of you, did you recognize the sound? Maybe Max or Steve, do you have any idea what kind of sound we just heard? No. it's a mystery sound. Let's Oh. Do you have any idea of what it Absolutely is? Absolutely none. I can guess. Go on. I can have a guess. It sounds a little bit, the pitch change sounds like a whale, but it actually sounds like breathing. It sounds like some kind of snoring or other. Mm-hmm. I think. But I can't tell the size of the creature. It sounds like it's sorry. The sounds, I mean, the thing is with sound is that you can make something, you can't, there's no scale with it. No. Is there? So it could be a blue whale or it could be a dog snoring, a chihuahua in its That's a good try. Snoring. I think it could be Doris, est-ce que tu pourrais traduire chihuahua. Ce qu'ils viennent de dire? I think I'll go along with that one. Yeah. Let Doris translate. Alors, peut-être que ce serait une respiration. Ou le son d'une baleine, ou mais quelque chose de grand et de gros. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Doris? Moi, je crois que c'est peut-être pour. C'est quand il y a du feu, c'est le truc comme ça qui s'ouvre et qui se ferme, il y a du vent qui sort. Le soufflet? Ouais, voilà. Je sais pas si on dit un soufflet d'ailleurs, c'est peut-être un autre nom. On a un compris. Ralenti? Non. Et alors, est-ce qu'il y a un auditeur ou une auditrice qui voudrait bien Il y a un téléphone. Allô, allô. Ah, il y a l'écho. Allô. Oui. Alors là, il faut couper votre radio derrière. Oui, pardon. Sinon, voilà. Oui. Alors, quelle est la proposition? Alors, on pense que c'est un soufflet qui souffle dans plusieurs tuyaux ou dans quelque chose de troué. Ok. Dans quelque chose de troué. Quelque chose de troué. Et qu'est-ce que vous entendez par troué? Mais je ne sais pas, comme dans des tuyaux troués. Oui, c'est bien essayé. Mais non, ce n'est pas ça non plus. C'est vraiment bien essayé. Merci beaucoup d'avoir appelé. Comment vous vous appelez? Ok. Quel est votre nom? Comme ça, on se souviendra de vous. Ah non, voilà, accroché, au nez, je comprends tout à fait. Bon, mais merci beaucoup, en tout cas la réponse était jolie. Mais il y a eu l'idée du soufflet. Hein. Ouais, tout à fait, le soufflet persiste. Je crois que soit on attend encore une petite... encore, on peut l'écouter Allez. Encore. It's here. I'm sure Max finally will find yes, yes, yes. C'est sûr que c'est pas genre une vache au ralenti. les sons modifiés sont interdits. Et on a Julien Claus qui vient d'arriver, qui est le deuxième invité pour le rendez-vous mystère. Peut-être que ça peut être la bonne façon de l'inviter à nous rejoindre, de lui demander quel est son opinion sur la question. J'en ai pas encore de précise. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bon, on ne trouve pas autour de cette table. Pas d'idée alors, non? Non, non, non, pas d'idée. Bon, peut-être qu'on peut écouter la réponse donnée par Jonathan, ici présent. Alors, je n'ai pas entendu la réponse, la proposition de l'auditrice au téléphone, mais je vais la recevoir après. Donc, c'est beaucoup plus simple. J'ai même beaucoup aimé vos propositions. C'était beaucoup plus fantaisiste et peut-être même plus... plus proche du son, parce que le son, il provient d'une porte d'entrée d'un appartement dans un petit immeuble de Athènes. C'est une porte vide, donc assez légère, qui frotte sur le sol, qui est un peu irrégulier. Et l'enregistrement a été fait depuis le couloir, où il y a certaines résonances, et ça que ça crée un peu cet écho qu'il y a dans le son. Donc voilà, quelque chose de beaucoup plus proche de nous. Bon, en tout cas, merci. Merci Jonathan. Peut-être... Fabuleux son, super mystérieux. Et peut-être que Doris peut faire une traduction en anglais pour... So the answer was that it was a door who closed and who was... I don't know how you say, mais frotter le sol. Friction on the floor. Friction? I wouldn't have found. J'aurais pas trouvé. Non plus. Was it played by them without moving it? Somehow, yeah. Yes. Yeah. Mm. Yes. Yeah. It's an instrument. Yeah. We can hear intention for sure. Ok, so merci beaucoup Jonathan pour le son mystère. Demain, le dernier son mystère donné par Olga Kokcharova qui va être disponible sur le site dès que possible.